cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. Ce point, الشيخ سعدي رحمة الله عليه, il va parler des المعاملات, tout ce qui touche à le buyou, le commerce, tout ce qui touche aux dettes, tout ce qui touche à les échanges d'argent entre personnes. Ce chapitre, Al-Fuqaha, il le cite dans Bab Al-Mu'amalat. Ce n'est pas une ibadah en soi-même. Bien sûr, celui qui a une bonne niya, annahu, il fait du commerce pour subvenir aux besoins de sa famille, pour ne pas tomber dans le haram. Celui qui emprunte de l'argent à son frère, li annahu illam fillah, tout ça, il est récompensé, c'est une ibadah. Lakin, la chose en elle-même, c'est une mu'amalah. Et Al-Fuqaha, il donne beaucoup d'importance à ces points. L'imada, l'anna, le muslim, il a besoin. Le muslim, il doit échanger avec les autres. Il doit faire du commerce avec les autres. Il doit travailler, il doit faire beaucoup de choses qui le lient aux autres. C'est pour ça qu'il l'appelle mu'amala. Il a une mu'amala avec les autres. Notre din, il nous a autorisé à hadihi al-mu'amalat. Et ça, c'est un bienfait. C'est une ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. أما البيع الله سبحانه وتعالى il a rendu licite. Et Cheikh Saadi te cite ce point هنا pour te montrer les bienfaits de ce deal. Anna, tu peux travailler. C'est autorisé de faire du commerce, d'avoir des échanges. Ça c'est la base, c'est que c'est halal. قال Cheikh Saadi فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع. Donc notre din, cette législation, الشريعه الاسلاميه, elle autorise ces choses. هذه هي المعاملات, البيوع, le commerce. قال بحل هذا النوع واطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات. Pourquoi? لان المسلم il a besoin. Il a besoin de hada, il a besoin d'acheter des choses nécessaires, des choses vitales. Il a besoin de manger, il a besoin de boire. Donc, l'islam, il nous autorise cette chose. قَالَ لِشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي الضَّرُورِيَّةِ وَالْحَاجِيَاتِ وَالْكَمَلِيَّةِ. Ça peut être des choses que tu as besoin, tu n'as pas le choix. الضَّرُورِيَّةِ, et des choses vitales, comme acheter de la nourriture, acheter de l'eau, avoir un toit. قال والحاجيات, ça peut être des choses nécessaires, c'est pas vital, lakin c'est nécessaire, t'as besoin. والكماليات, ça peut être des choses en plus, tu peux t'en passer, lakin c'est des choses en plus, min bab al-kamal. Donc tout ça, c'est autorisé dans notre din, c'est ça la base. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas un interdit religieux, comme on va voir. قال وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. Donc ça facilite aux musulmans, ça facilite leurs affaires, ils se servent de ces choses pour avancer. وكذلك استقامت معايشهم. والله الحمد, il mange, il boit, il a un toit, il achète des vêtements, il prend soin de lui, il se soigne, il prend soin de sa famille. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a autorisé. لأن بعض الناس يزون والعياذ بالله يزون une image de l'islam et de sunna, أن celui qui applique, il peut plus rien faire, il a le droit de rien faire, tout est haram. Et هذا c'est من أبطل الأباطيل. بل on a une règle importante في ديننا, أن الأصل, أن la base dans toutes ces choses, من أمور الدنيا, c'est الحل, c'est que c'est autorisé, sauf s'il y a un dalil qui nous montre que cette chose elle est interdite, ou une partie de cette chose elle est interdite. Et ça c'est min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-umma wa ala an-nas. An Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé ces choses. Lakin on est des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un messager, il lui a révélé un livre, et il y a des choses, elles doivent être encadrées, réglementées. On ne fait pas ce qu'on veut. Tu ne vends pas comme tu veux. Là, il y a des choses, tu verras que c'est interdit. Pourquoi ? Pour ton bien. Pourquoi ? Pour préserver les biens des autres. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans l'injustice. Ne pas faire du tort à un autre. Donc la base, c'est que c'est permis, c'est autorisé. Et bien sûr, il y a des choses qui sont réglementées, qui sont limitées. Tout ça pour le bien de tout le monde. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى أي عند تفسير قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا قال في تفسيره أي لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريم pourquoi c'est permis لأنه il y a une maslaha عظيمة il y a un profit pour les musulmans أنهم ils achètent ils vendent. Ils achètent de quoi manger, ils achètent de quoi boire, ils achètent de quoi s'habiller, ils achètent un toit, et ils travaillent pour parvenir, subvenir à leurs besoins, pour aider les autres, etc. Pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, pouvoir faire le hajj, construire leur mosquée. S'il a besoin d'un moyen de transport pour travailler, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est autorisé de l'acheter. Wa hakada. قال وحصول الحظر بتحريم الضرر بتحريمه نعم أما ça serait interdit il y aurait un très très grand mal. Tu as besoin d'avoir des échanges avec les autres au niveau du commerce et autres. قال وهذا أصل في جل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما حتى يرد ما يدل على المنع. Donc c'est ça la règle qu'il a citée. La base dans tous ces échanges, commerce ou autre, c'est que c'est permis, sauf s'il y a un délit qui montre que c'est interdit parce qu'il y a un mal, parce qu'il y a une injustice, parce que c'est de la tricherie, etc. Al-aslu fil buyu' al-ibaha. Al-fuqaha, al-ulama, ils citent souvent cette règle. Al-aslu fil buyu' Al-buyu' c'est le pluriel de bay', le commerce. La base dans le commerce, c'est l'ibaha. Tu as le droit d'acheter ce que tu veux et vendre ce que tu veux, sauf s'il y a un dalil qui démontre que c'est pas permis, que c'est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils nous ont cité des conditions. Fi kitabillahi azza wa jal. Ou fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, des conditions pour que cette vente elle soit valide, pour préserver les biens, pour ne pas tomber dans l'injustice comme on l'a dit. Et ces conditions elles sont importantes. Al-muslim qui fait du commerce, na'am, qui a besoin de cette chose, qui travaille dans ce domaine, il a besoin de connaître هذه الشروط. فلهذا قال الشيخ سعدي dans le livre وشرطت الشريعة. Donc il y a des conditions dans la sharia, dans le kitab et dans le sunnah, في حل هذه الأشياء. Donc il y a des conditions. Ça veut dire que le musulman il fait pas le commerce comme il veut. Il a le droit d'acheter, de vendre ce qu'il veut et il a le droit de faire du commerce. Mais ce commerce là, il y a des conditions. L'anaka t'es pas tout seul. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec l'amwal. Prendre ce que tu veux, donner ce que tu veux. Là, obligé d'avoir des conditions pour réglementer ce commerce. Et elles sont citées dans notre dîn. Et ça montre que ce dîn, c'est un bienfait pour un nas. On ne dit pas pour une catégorie là, pour un nas, pour l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَالَ الشيخ سعدي, il va les citer. En bref, et nahnu, on donnera une petite explication pour chaque condition. قَالَ وَشَرَّتَتَ الشَّرِيعَةِ فِي حِلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الرِّضَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ Première condition. الرِّضَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ Ça veut dire quoi? Que chaque partie, c'est-à-dire celui qui vend et celui qui achète, Ar-rida, ils doivent être d'accord. Il ne doit pas être forcé. On ne doit pas lui imposer. Chacun, il a envie de vendre ou d'acheter. Dans ce cas-là, la condition, elle est remplie. Qala, wa ishtimal al-uqud ala al-ilm, wa ma'rifat al-ma'qud alayh. Kadhalik, cet acte de vente, ou cette affaire, elle doit être fondée sur al-ilm. Chacun doit connaître. C'est quoi la marchandise? Le prix? Comment elle est? Si l'acte de vente, il y a des conditions, elles doivent être claires, connues. Tout ça pour préserver ce vendeur et cet acheteur. Hatta aucun des deux ne subit une injustice. Qala wa mawdu' al-aqd. On l'a cité, l'acte de vente. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a une précision? Hatta si c'est signé, la vente elle est faite, l'acheteur et le vendeur, ils savent les conditions. Ils savent ce que cette vente elle implique. قَالَ وَمَعْرِفَتُ مَا يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مِنَ الشُّرُوطِ. Bien sûr, savoir s'il y a des conditions, ce qu'elles vont impliquer. Tu as acheté telle chose ou tu as signé tel contrat et il y a des conditions. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, etc. Tu es limité à ça. Tu dois savoir. Si tu es d'accord, tu signes et tu achètes ou tu vends. Si tu n'es pas d'accord, tu n'achètes pas ou tu ne vends pas. هذا c'est من العدل. Ça fait partie de la justice. Et on va les citer l'un un peu plus en détail. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, il a un kitab nafi' fil fiqh. Et talabatul ilm, ils doivent donner du temps à ce genre de livre. Et là, on est tous concernés. Que ce soit le fiqh, tout ce qui est lié avec al-tahara, al-salat, al-siyam, al-zakat, etc. Ou al-mu'amalat. Tout ce qui est lié avec le commerce ou autre. Donc le musulman, il doit donner du temps à son din et apprendre ces choses, surtout s'il est concerné. Falil asaf, ba'd al-ikhwan, ba'd al-muslimin, ils font du commerce et ils connaissent rien de ces chouroutes. Donc s'il ne connaît pas, il pourra tomber dans une contradiction, dans une mukhalafa wa huwa la yadri. Liannahu, il ne connaît pas ces conditions. Il pourra les transgresser, il pourra désobéir wa huwa la yadri, il pourra faire du mal à un autre. Il pourra être injuste à cause de son ignorance. Enfin, le musulman, il fait des efforts. Surtout, on répète, si il est concerné par ce domaine. Enfin, ces conditions, elles sont très simples, on va les citer. Et le musulman, il les étudie et, inshallah, s'il est concerné, il les applique. Première condition, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, dans son livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, il les a divisées en deux, les conditions. Deux catégories. La première catégorie, trois conditions. La deuxième, trois conditions. Ça en fait six. La première catégorie, yushtarat fil aqidain, c'est des conditions qui sont liées imma à l'acheteur, imma au vendeur. Ça n'a rien à voir l'un avec la marchandise. C'est des conditions sur le vendeur et l'acheteur. Ça c'est la première partie, il a cité trois conditions. La première, at-taradhi minhuma, c'est que les deux y soient d'accord. فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق. Si un des deux il est forcé à vendre ou à acheter, البيع il est باطل. Cette transaction elle n'est pas autorisée. Pourquoi? لأنه c'est du ظلم, c'est de l'injustice. Et notre din il interdit l'injustice. C'est pour ça que Cheikh Sa'di rahimahullah il a cité ce point dans ce livre pour démontrer هذه المحاسن محاسن الدين الإسلام. Il est bien fait de notre dit. قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن فراض منكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a cité cette condition. Commerce, transaction, une vente, un achat, il faut que les deux vous soyez d'accord. Cheikh Al-Fawzan il a cité un cas أنه ce vendeur ou cet acheteur, ils peuvent être forcés et c'est permis. قَالَ فَإِنْ كَانَ الْإِكْرَهُ بِحَقِّ صَحَّ الْبَيْعُ. Si ce ikrah, il est forcé بِحَقِّ, la vente elle est valide. Ou l'achat il est valide. Dans quel cas? قَالَ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ الْحَاكِمْ عَلَى بَيْعَ مَا لَهُ لِوَفَى دَيْنِهِ فَإِنَّ هَذَا إِكْرَهٌ بِحَقِّ. Le gouverneur et l'impose à ce musulman de vendre tel bien qu'il a, qu'il possède, pour pouvoir rembourser une dette qu'il a. L'imada, et ça montre la justice. L'yanna, il a une dette. Donc, il a un haq envers un autre. Il tarde à payer. Il ne veut pas payer. Il prétend qu'il ne peut pas, alors qu'il a des biens. Il a une voiture, il a un téléphone, il a telle chose. Le gouverneur, il lui impose, tu vends telle chose et tu rembourses ton frère. فَهَذَا سَاِكْرَاهُنْ بِحَقِّ. Ça montre que notre din, c'est un din qui englobe toutes les justices et qui met en garde contre toutes les injustices. Première condition donc, التَّرَاضِي, c'est que les deux parties y soient d'accord. Deuxième condition, فِي الْعَاقِدَيْنِ, condition par rapport à l'acheteur ou au vendeur, يُشْتَرَتْ فِي كُلِّنْ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَكُونْ جَائِزْ التَّصَرُّفْ. Deuxième condition, c'est que l'acheteur et le vendeur, ça soit des personnes, elles savent ce qu'elles font. جَائِزْ التَّصَرُّفْ, c'est-à-dire qu'il a la raison, il sait ce qu'il fait. بِأَنْ يَكُونْ حُرًّا مُكَلَّفًا رَشِيدًا. Donc il faut qu'il soit مُكَلَّف, il a la raison. Il sait ce que cette vente ou cet achat, elle implique. قَالَ فَلَا يَصِحَ الْبَيْعُ وَالشِّرَى مِنْ صَبِي وَمَجْنُونَ إِلَى آخِرِ. L'enfant, ou le majnoun, le majnoun c'est celui qui n'a pas ses capacités mentales. فَهَذَا لَا يَصِحُ الْبَيْعُ. Et ça montre que les bienfaits de notre din et أَنَّ هَذَا الدِّينَ, il appelle à préserver les biens du musulman. فَمَثَلًا رَجُلٌ, il a un enfant, cet enfant, il prend un bien parmi les biens de son père, مثلًا son téléphone, et il sort dans la rue et il le vend à son voisin. Cet enfant, il n'est pas جَائِزْ التَّصَرُّفْ, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un enfant. فَرُبَّمَا, l'acheteur, il va baisser le prix جِدًا. Ce téléphone, il vaut 100 €. رُبَّمَا, l'enfant, il le vend pour 10 €. C'est un enfant, il veut acheter à manger. Enfin, l'acheteur, il pourra en profiter si c'est un enfant. Al-Islam, il nous démontre que cette vente, elle n'est pas acceptée. C'est-à-dire que si le père, il se rend compte que son téléphone, il a été vendu par son fils au voisin, il a le droit d'aller chez le voisin et de récupérer son téléphone. Il y en a, la vente, elle n'est pas autorisée. Il rend l'argent, bien sûr, les 10 € et il récupère son téléphone. وَهَكَدَ الْمَجْنُونَ, malade mental, il ne sait pas ce qu'il fait et il vend des choses. فَفِيَدَ الْحَالِ, la vente elle est annulée et la famille du malade mental, ils récupèrent leurs biens et ils remboursent celui qui a acheté. هذا, c'est مهم, ça nous montre أن هذا الدين, c'est une رحمة. تَأَمَّلُوا الْآنَ, si ces conditions elles seraient appliquées partout, il n'y aurait pas d'injustice dans ce domaine, le commerce. Chacun il aurait ses droits et ses biens. Lakin il asaf, dans beaucoup d'endroits, les conditions hadi, elles ne sont pas appliquées. Wallahu musta'an. Troisième condition. يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه. Et ça c'est une condition importante. أن celui qui vend, مثلا, on donne un exemple. Il veut vendre une chose, il faut que cette chose, il la possède. Il n'a pas le droit de vendre une chose qu'il ne possède pas. قال ابن الوزير رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له فإنه باطل. مثلا, il sait que un tel من الناس, il veut acheter une voiture. Et il lui dit, moi je veux acheter tel modèle, j'ai telle somme. Il lui dit, Anna, c'est bon, je te la vends. Alors qu'il n'a pas la voiture. Maintenant, il se dit, je prends l'argent, ou je me mets d'accord avec lui, on fait la vente, moi je vais aller chercher la voiture. Je vais lui trouver une voiture qui m'a dit. Pourquoi? Les annahu, ça peut pousser à un mal énorme. Rubama, il ne trouve pas la voiture. Rubama, il a un empêchement. Rubama, il se fait arrêter. Rubama, il tombe malade. Alors que l'autre, il lui a fait confiance et ils se sont mis d'accord. Et l'autre, il pensait que cette personne, elle avait cette voiture. هذا لا يجوز dans notre dîn. T'as pas le droit de vendre une chose que tu ne possèdes pas. Si tu possèdes cette chose, ou t'es wakil, واحد il t'a donné le droit de vendre cette chose qui lui appartient. Et tu vends cette chose pour quelqu'un d'autre. Tamam. Amma vendre une chose que tu ne possèdes pas, aslan, هذا لا يجوز, c'est batil dans notre dîn. Et هذا, ça arrive à notre époque, beaucoup. La part d'un nasi, ils vendent des choses qu'ils ne possèdent pas. Tout le monde, ils font les efforts pour avoir cette chose. Hada dans notre dîn, c'est haram. Tu vends une chose si tu la possèdes. Si tu ne la possèdes pas, tu ne peux pas être considéré comme vendeur. Les annat, tu n'as pas cette chose. Ça, c'est la troisième condition. On récapitule les trois. At-taradi minhuma, que les deux parties soient d'accord. La deuxième condition, que le vendeur ou l'acheteur, ils ont les capacités mentales. C'est des adultes, ils savent ce qu'ils font. La troisième condition, annahu yashtarit anna, le vendeur il possède la chose. Tu ne peux pas vendre une chose que tu ne possèdes pas. Ça, c'est trois conditions dans le commerce par rapport à l'acheteur et le vendeur. Wa yushtarat fil ma'qud alayhi fil bay', kadhalik trois conditions. Trois conditions par rapport à la marchandise, par rapport à cette chose que tu vends. Ou que tu achètes. Alors, on va plus parler de l'acheteur et du vendeur, on va parler de la chose elle-même. قال شيخ الفوزان أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به. Première condition, on n'a pas le droit d'acheter ou de vendre quelque chose de haram. قال كالخمر والخنزير وآلة له والميتة. Et tout ce qui est haram. Que ce soit l'alcool, que ce soit du porc, que ce soit de la viande qui n'est pas halal, que ce soit des instruments de musique, que ce soit des cigarettes, que ce soit des choses qui font mal à du mal à la santé. Tout ça, la yajouz. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَ وَالْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de vendre al-mayta, la bête morte, l'alcool et les statues. هذا la yajouz. Enfin, le musulman, dans son commerce, s'il vend, il est haram le halal. Si tu veux de la baraka, tu veux profiter fi dinik et kadalik fi dunyak, tu es haram le halal. Il y a des choses, il y a des doutes. C'est des choses ambiguës. Fa inna al halal bayyin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna al haram bayyin, wa baynahuma umurun mushtabihat. Tu vas voir qu'il y a des choses dans le commerce, c'est halal, c'est clair, vendre de la nourriture, vendre du pain, de l'eau, etc. C'est halal, wadih. Il y a des choses, c'est haram, vendre de l'alcool, c'est haram, wadih. Et il y a des choses, c'est ambigu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Celui qui s'écarte de ces choses ambiguës dans le commerce, il va préserver son dîn. Limada, il y en a une chose qui est ambiguë aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera clair pour toi que c'est haram. Est-ce que tu auras la force de délaisser? Alors, Obama, ton capital, il a augmenté. Obama, t'as fondé une entreprise sur ce produit. À la fin, tu te rends compte que c'est haram. Le délit, il est clair. Alors, la parole d'un savant, elle t'a convaincu. Comment tu fais? Pour préserver ton dîn, ton honneur et tes biens, kadalik, on a une règle, on a les choses où il y a des doutes, on s'écarte. Et nous, on conseille nos frères de revenir à Ahlul Ilm. Si tu as des doutes, tu fais du commerce et tu as des doutes dans certains points, avant de te lancer, avant de te précipiter, ça devient une fitna pour toi, demande. Si tu as des doutes après tes recherches, etc., falhamdulillah, fadlullah, il est wasi'. Délaisse cette chose et tu feras une autre. Et si tu délaisses quelque chose pour Allah, subhanahu wa ta'ala, fa Allah azza wa jal, il te remplace par quelque chose de meilleur. Aham shay at-taqwa. Donc, al-haram, on n'a pas le droit de le vendre, ni de l'acheter. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, si Allah il interdit quelque chose, il interdit son prix. Donc on n'a pas le droit de vendre, pas le droit d'acheter. Ça c'est la première condition sur la marchandise. Al-ma'qud alayhi, la chose sur quoi on s'est mis d'accord. Deuxième condition, an yakun al-mabi' maqduran ala taslimih, ay c'est que cette chose que tu vas vendre, tu pourras la donner. Tu pourras la remettre à celui qui l'a acheté. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de vendre la bête qui est dans le ventre de sa mère. Il y en a, tu sais pas comment est-ce que ce bébé il va sortir vivant. مثلاً une vache, elle est enceinte et واحد il vend sont la bête qui est dans le ventre. Elle vend l'enfant de la vache. Alors qu'on ne sait pas, peut-être que la vache, elle va mourir, l'enfant, elle va mourir. Peut-être qu'il va sortir handicapé, il va sortir malade. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. قال ويدخل نحن la parole de Cheikh Al-Fawzan, bien sûr, on a oublié de préciser, on l'a résumé et on a ajouté des choses pour préciser. ويدخل في بيع الغرر كذلك لأنه مجهول. Et dans notre din, tu n'as pas le droit de vendre, de faire du commerce avec des choses inconnues. Al-jahala. Pourquoi? Il y en a peut-être que celui qui va acheter cette chose, il n'est pas d'accord après l'avoir vu, après l'avoir entre les mains. فهذا c'est من بيع الغرر. Et on précisera أكثر. فلا يصح بيع الطير الذي في الهواء. مثلاً واحد il veut acheter un oiseau et un autre il lui dit naam, je te vends cet oiseau. L'acheteur il lui demande, il est où l'oiseau, et il lui montre en direction du ciel, je vais l'attraper et je te le vends. Là il dit, est-ce que tu vas réussir à l'attraper, est-ce que quand il sera en face de moi cet oiseau c'est vraiment celui que je veux, c'est la couleur que je veux, c'est le poids que je veux. Tu es obligé de vendre une chose qui est ma'loum et tu es qadir ala tislimiha, tu peux la donner. Troisième condition, donc la deuxième, أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. Et c'est que tu peux remettre la marchandise. Troisième condition, et elle ressemble à la deuxième, أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤية أو وصف. C'est que cette marchandise elle soit connue. إما tu l'as vu, إما tu connais la description. إما tu l'as vu, إما tu connais la description. فهل معلومة عندك. تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع حبل الحبلة. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de vendre la bête, l'enfant de la bête qui est encore dans le ventre de sa mère. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا لماذا؟ لأنه c'est quelque chose de مجهول. عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر رواه مسلم. On avait parlé de bay' al-gharar. Amma bay' al-hasa, le Nabi sallallahu alayhi dans ce hadith il cite que tu n'as pas le droit de vendre avec cette méthode, al-hasa. Al-hasa c'est les pierres. Qila, certains savants ils ont expliqué hada fa qalu mathalan wahid yaqul bi'tuka min hadhihi al-athwab ma waqa'at alayhi hadhihi al-hasa. Mathalan wahid veut te vendre des tissus, différents tissus. Mathalan il y en a une dizaine en face de toi. Et où il prend deux pierres et il te dit je jette les pierres et la vente qu'on s'est mis d'accord, tu prendras les deux tissus sur lesquels il y aura les pierres. Hada la yajouz. Lianna rubbama les deux c'est les couleurs que tu ne veux pas. C'est une matière que tu ne veux pas. Donc hada al-bay' il est haram. Vous vous mettez d'accord, tu choisis, s'il est d'accord et t'es d'accord, tu prends le tissu sur lequel vous vous êtes mis d'accord. Vous vous rappelez de la condition at-tarabi. Donc cette méthode la yajouz. Al-gharar al-ulama il explique ma kana mastour al-aqiba ou ma la yu'lam aqibatu. Al-gharar c'est fondé sur le jahala, quelque chose qu'on ignore. On cite un exemple pour vous compreniez akthar. Qala al-imam as-san'ani rahmatullah alayhi معناه الخداع الغرر معناه الخداع c'est de la tricherie. Pourquoi? قال الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه. بيع الغرر t'as pas le droit. مثلا vous citez un exemple الآن que Cheikh Sana'a l'imam Sana'ani va citer رحمة الله عليه بعد واحد il veut acheter du poisson et il se met d'accord ou le pêcheur et lui dit, je te vends pour telle somme, matalan, 100 dirhams. Cette somme, je vais mettre le filet dans l'eau et tout le poisson qu'on ressort, ça équivaut à 100 dirhams. La yajouz, ça c'est le gharar, bay' al gharar. Pourquoi ? Il y en a, tu ne sais pas combien de poissons ils vont sortir. Alors, Obama il va pêcher deux poissons, Obama il va en pêcher aksar. Dans tous les cas, ça peut être une injustice. Imma pour le vendeur, imma pour l'acheteur. La yajouz. Il pêche, tu vois les poissons devant toi. Ah oui, il te les décrit. J'ai tel poisson, le kilo c'est tel prix. Quelque chose de wadih. Amma al-gharar, vous avez compris, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Hada la yajouz. Kadhalik, hadith ibn Omar, vendre la bête, et cette bête elle est encore dans le ventre de sa mère. Hada c'est min al-gharar. Mais non, c'est pas. Peut-être que cette bête elle va être handicapée, elle va être malade. Mais balouk, tu te mets d'accord, et tu le payes, 1000 dirhams, mathalan, pour cette bête, et quand cette bête elle sort du ventre de sa mère, il lui manque une patte, elle est handicapée, elle est aveugle. Elle a une maladie. Tu t'es mis d'accord, khalas. Fahad alayya juz. C'est pour préserver tes biens, ayyuhal muslim. Qala al-imam al-san'ani rahmatullah alayhi, fayakounu min akli al-mal bil-batil. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ça. Ça ouvre des portes pour manger, pour profiter des biens de ton frère bil-batil, alors que tu n'as pas le droit. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. On n'a pas le droit. Pas le droit de se trahir, on n'a pas le droit de profiter des biens de notre frère bighayri haqq. On n'a pas le droit de se voler de la corruption, etc. Hada la yajouz dans notre dîn. Bel dans notre dîn, celui qui dit la ilaha illallah wa yashhad anna Muhammadan rasulullah, ses biens, son sang et son honneur, ils sont sacrés. Maluhu وعرضه ودمه ils sont haram. Et on n'a pas le droit de lui faire du mal dans ces choses. Ses biens, son honneur et son sang. قال رحمه الله ويتحقق في صور. Et pour bien comprendre que بيع الغرار c'est interdit. Il va citer des autres exemples. قال ويتحقق في صور إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع الفرس النافر. Et ça, تقدم معنا. Aïe, la condition, tu peux pas, celui qui vend matalan, il peut pas emmener, il peut pas apporter la marchandise. Allez, même Sanani cite cet exemple, Wahed, il a un cheval. Il est connu. Son cheval, il vaut tel prix, etc. Son cheval, il s'est sauvé. Il le vend. Wahed, il lui demande, en fait, ton cheval, je suis intéressé, il se met d'accord, il lui vend. Thomas, quand tu lui demandes, il est où le cheval, il lui dit, je veux aller te le récupérer. Est-ce qu'il va pouvoir? Est-ce que le cheval, il est encore vivant? Est-ce que le cheval, il n'est pas blessé? T'as pas le droit de te mettre d'accord. Tu récupères le cheval. Thomas, l'acheteur, s'il veut l'acheter, il l'achète comme il est. Bay al-gharar, on n'a pas le droit. Donc, bay al-gharar, c'est vendre une chose, tu sais pas comment elle est. C'est ça, bay'il gharar. قال أو بكونه معدوما مجهولا أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في البحر أو في الماء الكثير. هذا كذلك لا يجوز. On a donné les exemples avec les poissons. Je te vends les poissons qu'on va retirer l'un pour telle somme. لا يجوز. Est-ce qu'il va pêcher des poissons? Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Est-ce qu'il n'y en aura pas beaucoup? Est-ce qu'ils seront de bonne qualité? لا يجوز هذا البيع. هذا الكلام من سبل السلام للإمام الصنعاني رحمة الله عليه. فهذه هي الشروط. On les récapitule, les trois derniers. أن يكون مما يباح الانتفاع به حلالا. C'est que cette marchandise, ce service, il soit halal. Deuxième condition, أن يكون المبيع مقدورا على تسليم. C'est que la marchandise, elle est présente et le vendeur, il peut la donner à celui qui achète. On a donné l'exemple avec la bête qui est encore dans le ventre de sa mère, ou il vend une bête et cette bête elle s'est sauvée, elle l'a plus, il ne sait plus où qu'elle est. Hada la yajouz. Troisième condition, an yakoun al mabi' wa thaman ma'loumain. C'est que cette marchandise elle soit connue. Imma, tu l'as vue, imma, on te l'a décrit. Mathalan, un téléphone, même si tu ne l'as pas vu, tu sais le modèle. je vends tel téléphone, il est neuf. Les personnes, ils savent très bien que ce téléphone, il vaut telle somme, etc. فَهَذَا نَعْمْ أَمَّا quelque chose de مَجْهُول quelque chose فِيهِ غَرَرْ فَهَذَا لَعْمْ. Donc, les trois conditions pour rapport à la marchandise, et on avait vu auparavant les trois conditions pour rapport à, au vendeur et à l'acheteur. Et هذه الشروط هذا الباب في الحقيقة, il faudrait plus détailler bien sûr avec d'autres exemples, avec les paroles de أهل العلم. Tout ça, طالب العلم, il étudie ce chapitre في كتب الفقه. Et نحن on conseille nos frères si ils ont la capacité d'étudier le livre de Cheikh Al-Fawzan Al-Mulakhas Al-Fiqhi كتاب البيوع, le chapitre du commerce, il est نافع, il est مختصر, il est simple. كذلك كتاب البيوع من عمدة الأحكام, il est simple de l'imam al-Maqdisi. Et نسأل الله سبحانه وتعالى il nous facilite du temps pour pouvoir étudier ce genre de livre et ces chapitres مهمة dans le fiqh. قال الإمام السعدي بعد ذلك ومنعت أي الشريعة من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام من أقسام الميسر والربا والجهالة. On l'a vu à هذا dans les شروط. إلا الربا qu'on va détailler قليلا وإلا الميسر والجهالة تقدمت معنا. Les exemples qu'on a donnés في بيع الغرر. Ils vont une chose qu'ils ne possèdent pas ou une chose qu'ils ne connaissent pas. هذا كله لا يجوز. Pourquoi? لأنه il y a un darar pour ce musulman. Ça te montre que هذا الدين c'est fait pour préserver ton sang, tes biens, ton honneur, ta famille, ton din, c'est pour ta sécurité. هذا الدين, contrairement à ce qui propage الآن الكفر, أن هذا الدين الإسلام c'est la source de tous les maux. C'est pour ça qu'ils le combattent. Et annahum c'est des kafara, ils n'ont pas pris le temps ou ils ne veulent pas comprendre هذا الدين. Et nous, wallahi alhamd, ça ne nous fait aucun mal. Nous, nasbir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est nous. On fait des efforts pour comprendre هذا الدين et on profite de cette ni'ma et on espère la récompense min Allah azza wa jal. À ce point, le commerce, on sait wallahi alhamd annahu ash-shari'a, c'est un bien pour nous. Que ce soit dans le commerce ou autre. Lakin, nous, maintenant, on étudie ou on lit par rapport au commerce et on s'aperçoit que c'est un khayr adim. Al-dharar, ça peut te faire un mal, ce commerce, s'il est fondé sur riba, ou le maïsir, ou le jahala. L'islam, il nous interdit ça. C'est pour ton bien. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit riba, par exemple, et il t'a autorisé tout le reste. Comme a dit Azza wa Jal. وأحل الله البيع وحرم الربا. Écarte-toi du riba et profite de tout ce qui est halal. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit le khamr, boire de l'alcool, et t'a autorisé toutes les autres boissons tant que ça ne fait pas du mal à ton din ou à ton corps. Enfin, c'est ça notre din, c'est fondé sur ar-rahma. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, même si le kuffar ils essayent de démontrer le contraire. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il a cité une règle. قال القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها والأصل في ذلك أي la base dans العقود, ça englobe le commerce ou autre. أي العقود c'est le plural de عقد, أي dans les contrats, dans les transactions. الأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. C'est ça la base. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. On n'a pas le droit d'être injuste envers un autre, de prendre son argent بغير حق, de le voler. On n'a pas le droit. Donc la base c'est هذا. T'as pas le droit. Si ce commerce ça fait du tort à un autre, فلا يجوز, c'est haram. قال وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهم الله في كتابه هما الربا والميسر. Et il y a deux catégories, des catégories qui sont interdites. Pourquoi? لأنه c'est une cause. إما l'acheteur, إما le vendeur, il subira un tort. Il perdra de l'argent بغير حق. Alors que Allah il a interdit هذا. Ces deux catégories, c'est الربا, l'usure. Et بعض الناس il les appelle les intérêts. لكن هذه التسمية في الحقيقة elle est pas صحيحة لأن il y a aucun intérêt, il y a aucun profit. هذا c'est plus du marketing qu'autre chose, des intérêts. Et في الحقيقة c'est de l'usure. La traduction avec par l'usure elle est plus proche. Et في العربية الربا والميسر. أما الميسر تقدم معنا كبيع الغرر. Tout ça on l'a vu. Ou avec طريقة الحصى, tu jettes des pierres et si la pierre elle touche telle chose, c'est, tu le prends, c'est la marchandise sur laquelle on s'est mis d'accord. Ou vendre la bête qui est encore dans le ventre de sa mère, tout ça taqaddam. Amma riba, ça y est, avant, on cite quelques sourds de Buyu' Muharram, avant de passer à riba et conclure. Il y a des ventes, et à l'époque, كذلك, un Nabi Sadrim nous a démontré qu'elles sont muharram, elles sont interdites. Pourquoi ? L'acheteur ou le vendeur, il subira un tort. Ce n'est pas fondé sur la justice, sur l'adl. Parmi ces ventes ou ces transactions, bay'u as-sil'a al-mu'ayyana ma'a ikhfa al-'ayb, ça c'est interdit. Vendre une marchandise et cacher un défaut, ça c'est min al-ghish. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man ghashana falaysa minna. Et c'est un darar 'ala al-mushtari. Celui qui achète, il a été trompé. Et ça lui cause du tort. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. T'as pas le droit de faire du tort. T'as pas le droit de subir. On n'a pas le droit de te faire du tort à toi et t'as pas le droit de faire du tort aux autres. لا ضرر ولا ضرار. Donc, الإنسان يتقي الله. S'il y a un défaut, il le montre. Si l'acheteur, il est d'accord par rapport au prix et tu lui montres le défaut et ça le dérange pas, vous êtes mis d'accord, faites amen. Amma cacher ce défaut et vendre hadhihi as-sil'a, ça c'est min al-ghish wa min al-khida'. On peut citer un exemple à notre époque, c'est beaucoup propagé, anna ba'dahum, ils vendent des voitures et ils baissent le kilométrage. Hadha c'est min al-dhulm. Là, on a une voiture qui a 50 000 km, elle aura telle valeur. Maintenant, la voiture, on dira qu'elle a une valeur de 10 000 euros. Si elle a 50 000 km. Si elle a 200 000 km, Farubama, tu peux diviser la valeur en deux. Cette voiture qui vaut 5 000 euros, elle a 200 000 km, هذا الظالم, il va baisser le kilométrage à 50 000 et il la vend 10 000. هذا c'est من الظلم. Et l'insan, le musulman, لا بد أن يتقي الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il sait tout. Et tu auras des comptes à rendre. Celui qui prend de l'argent injustement à un autre, يوم القيامة, il lui rendra. Et ta'lamoun anna يوم القيامة, ça sera plus avec l'argent, ça sera avec الحسنات السيئات. Donc, celui qui vole un autre بهذه الطريقة, يوم القيامة, il lui rendra avec ses حسنات. Et s'il a plus de حسنات, celui qui a subi l'injustice, il lui donnera de ses سيئات, de ses péchés. Enfin, le commerce, ça sera bonne action, mauvaise action. فالإنسان يتقي الله. Deuxième exemple qu'on peut citer, الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراؤها أصلا. Et ça, كذلك, c'est منتشر. Et ça, c'est من الغش. Une personne, elle ne veut pas acheter cette marchandise. لكن, il travaille avec le vendeur. Il simule أنه il veut cette marchandise. فأنت مثلا, tu dis cette voiture, je la veux pour 3000 euros. Le vendeur, il te dit, لكن, un tel, il m'a proposé 4000, j'ai pas voulu. Et cette personne, na'am, elle vient. Elle dit, moi, je te donne 4000 tout de suite. Alors que c'est pas vrai. Il a jamais voulu, il a jamais eu l'intention d'acheter le produit. Ou la marchandise. Lakin, il travaille avec le vendeur. Ils font exprès, ils se sont mis d'accord pour faire monter la valeur. Ils ont trahi ce musulman, la yajouz. Ils ont trahi cette personne. Ils ont commis, ou ils ont, na'am, commis une injustice envers cette personne. La yajouz. Que ce soit un musulman ou un kafir. Un musulman, il est droit dans son commerce. Qu'il fasse du commerce avec le musulmin ou avec al-kufar. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال La tanajashu. La tanajashu. Et un najash, c'est hada. Faire monter la marchandise. Alors que, à la base, cette personne, elle ne veut pas acheter la marchandise. Lakin, elle travaille avec le vendeur pour faire monter les prix. Wa yadkhul fi. في ذلك الكذب بقيمة السلعة كذلك dans cette catégorie, ceux qui jurent qu'il a acheté la marchandise tel prix et il ment. Maintenant, la voiture, il l'a achetée en réalité à 3000 euros. Lakin, il te jure qu'il l'a achetée à 10 000 euros. Que pour te montrer qu'il est déjà perdant, mais il te fait un prix. Tout ça, c'est min al-khida'a, la yajouz. T'as pas le droit de mentir. Et t'as pas le droit de faire croire que t'as acheté la marchandise tel prix que pour la vendre à tel prix. Hada la yajouz. Troisième et dernier exemple, bay' al-muslim ala bay' akhih. Wa shira'uhu ala shira'ih. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. مثلا tu t'es mis d'accord pour acheter cette voiture 5000 euros et le vendeur il s'est mis d'accord avec toi et un autre il vient après ta vente alors que normalement la vente elle a été conclue. Lakin un autre il vient et il propose au vendeur, moi je te donne 6000 euros et le vendeur il fait la vente avec le deuxième. Hada c'est haram. La yajouz, c'est une injustice. Tu n'as pas le droit de vendre ou d'acheter après que ton frère il se soit mis d'accord. La yajouz, et faire monter les prix. Wallah al-musta'an. Amma riba, yaqulu Allah azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit al-riba, l'usure. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la'ana Allah, et fi sahih muslim la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akla al-riba ou akila al-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibahu. Il est maudit celui qui mange al-riba, celui qui profite de al-riba, ce qu'ils appellent hum les intérêts. Kadalik shahidei, ceux qui témoignent, ou ceux qui écrivent les contrats, tout ce qui est lié avec les banques, ou al-iyadu billah, qui sont fondés sur l'usure. Wa ja'a fi sahihayn, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, ittaqu as-sab' al-mubiqat, ittaqu as-sab' al-mubiqat. Faites attention aux sept, ils traduisent par péché majeur, al-mubiqat, al-muhlikat. Ittaqu as-sab' al-mubiqat. يعني المهلكة أي للشوز كي أمن صاحبها أصبخت وذكر منها الربا ذكر الشرك والسحر وقتل النفس etc. et parmi ces sept الربا الحديث اللي في الصحيحين يا أخي هذه الدنيا زائلة. Je trouve بعض الناس ils se font du mal et ils pensent que c'est une solution الربا crédit. هذا c'est pas une solution. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu. Ay si vous délaissez pas fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Tu ne trouveras pas un péché où Allah subhanahu wa ta'ala il déclare la guerre à celui qui le fait illa ar-riba, tellement que c'est grave. Fa où est-ce que tu vas aller si Allah subhanahu wa ta'ala il te déclare la guerre? Qu'est-ce que tu vas faire? L'air que tu respires, la nourriture que tu manges, la boisson que tu bois, ton corps, toi-même, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Enfin, pourquoi te faire du mal à ce point pour une voiture, pour une maison, pour telle chose? Alors que dunya za'ila, c'est pas le but. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer. Et le but c'est al-akhirah, al-jannah. Et ces choses, ça fait du mal jiddan aux musulmans. Fattaqullah ayyuhal muslimoun. Et nous, on va citer l'un, deux cas qui sont répandus. Min suwar al-riba, al-qardu bifa'ida. Al-qardu, c'est emprunté. Bifa'ida. Aïe, ce qu'ils traduisent par le crédit avec un taux, il emprunte 100 000 et il doit rembourser 120 000 riba. Al-islam, c'est fondé sur la justice et c'est pour notre bien. Il t'a interdit hada. Pourquoi? Parce que tu empruntes 100 000, pourquoi rendre 120 000? Est-ce que tu pourras les rendre? C'est de l'injustice. Et Bardanas, ils ne peuvent plus rendre. Donc il y a des conséquences graves. Ils prennent sa maison, ils prennent sa voiture. Obama, il peut faire de la prison. Alors qu'à la base, c'est une chose qu'il n'a pas empruntée. Il a emprunté que 100 000. Lakin, le plus, ziyada, c'est ça, riba. Deuxième exemple, تأجيل الدين إلى أجل لكن بزيادة. بعضهم ils ont comme une hila. أنهم نعم ils te prêtent 100 000 et tu dois lui rendre 100 000. Il se met d'accord avec toi, je te prête 100 000. On est au mois de Al-Qa'da et tu me les rends au mois de Muharram. Ou tu me les rends au mois de Ramadan. Muhim, il limite. Et hada c'est tayyib. Dès que tu empruntes de l'argent, il y a des règles. Et il y a beaucoup de fitan, beaucoup de problèmes par rapport à hada entre musulmans. Enfin, celui qui emprunte, awalan, il faut noter. كما قال الله عز وجل avec des témoins avec ajal c'est-à-dire une limite je te prête tant et tu me les rends au mois de Ramadan et celui à qui on prête de l'argent falyattaqillah ce frère il t'a aidé tu lui rends son argent si tu peux pas fata'tadir et on conseille kadalik celui qui a prêté que si vraiment ce frère il est sincère il a fait des efforts et il peut pas les rendre il repousse pour aider son frère. Il a un ajr azim indallah. Et il y a beaucoup de adillah qu'on ne va pas citer ici. Il y en a, c'est un sujet à part. Lakin, tout ça pour démontrer que notre din il est fondé sur la justice. Amma, on revient à notre surah. 100 000, je te prête. Et au mois de Ramadan, tu dois les rendre. Si au mois de Ramadan, il n'a pas rendu, celui qui a prêté, il rajoute. Il dit, al-an, tu ne m'as pas rendu les 100 000 au mois de Ramadan, on s'est mis d'accord. Fal-an, le prochain Ramadan, tu me rends 150 000. Il rajoute 50 000. Riba, c'est interdit, c'est haram. C'est de l'injustice. L'imad al-yanna, si ce musulman, vraiment il ne peut pas, pourquoi être injuste et au lieu de l'aider, rajouter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a haram had. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, yamhaqullahu riba. Yamhaq, ça veut dire que, on lit la parole de Cheikh ibn Uthaymeen, ahsan, qala Cheikh ibn Uthaymeen, bitalaf, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose qui est fondée sur le riba, elle disparaîtra. Fattaqillah, akhi al-karim, ne pense pas et ne crois pas qu'avec le riba, tu construis. Avec le riba, tu es en train de fonder un projet, tu es en train d'avancer. Tu te fais que du mal dans ton din et dans tes biens. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, lakin at-talaf naw'an. At-talaf, c'est quelque chose qui disparaît. Il y a deux cas, deux sortes. Talafun hissi. Talafun hissi, et cette chose, elle disparaîtra vraiment. Ka'an yusallit ala hadal mal afatun tufni. Imma an yamrad wa yahtaj ila dawa wa mu'alajat ou yamrad ahluhu ou yusraq ou yahtariq. Par exemple, ce bail. Imma matalan, il a acheté une maison avec un crédit, riba. Allah subhanahu wa ta'ala قال يمحق الله الربا. Et l'autre verset فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Et dans ce verset يمحق الله الربا. Donc imma cette maison elle peut brûler ou cet homme avec ce crédit qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala il peut l'éprouver avec la maladie. Donc les économies qu'il croit qu'il l'a fait il les perdra. Au médecin, à l'hôpital, il doit payer telle chose. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve, cette maison, elle est cambriolée. Mouhim, il ne sera pas tranquille. Limadha li'anna Allah azza wa jal qal, fa'in lam taf'alu fa'adhanu bi'harbin min Allah wa rasouli. T'es pas à l'abri quand tu fais le riba, abadan. Oh, qala Cheikh ibn Uthaymeen, ou uquba ma'nawiyya. Al-mal, indahu, yakisu, akiyasan, lakinahu kal faqir, la yantafi'a bih. Imma, il a de l'argent. Par rapport à cette riba qu'il a fait, il a gagné de l'argent, lakin fil haqiqa il a rien gagné du tout. Ka'annahu faqir, il profite pas. Il y a aucune baraka. Toujours des problèmes de justice, des amendes, des maladies. Et tu le trouves, il est kal faqir ou ashad. Tu le trouves wahed, il a peu. Lakin c'est à lui, c'est du halal. Il a été injuste envers personne. Il n'a pas transgressé les lois d'Allah subhanahu wa taala. Avec peu, il vit très bien. Il marche à pied, il est à l'akhir. Il loue un petit appartement. Alhamdulillah, il y a Abdullah Azza wa Jal, il est à l'akhir. Et il sait que Al-akhiratu khayrun wa abqa. Il sait qu'il finira dans un trou, comme celui qui a fait le riba. Il aura les mêmes comptes à rendre. Lakin, la différence, c'est que Al-aqibatu lil-muttaqim. Hada ma yata'allaq. On a cité des points par rapport à ce chapitre pour montrer que notre dîn, c'est un dîn parfait. C'est une ni'ma pour toi, Akhil Karim. Fa accroche-toi, que ce soit le commerce, que ce soit autre. Nahnu muslimoun, et notre source, c'est le Coran ou le Sunna. Fa la taghtar bi a'da illah, ils veulent pas notre bien abadan. Amma ce dîn, c'est que pour ton bien. Pour préserver ton sang, tes biens, ton dîn, ton aql, tes enfants, ta famille, ton mujtama', et alhamdulillah ala hadhihi an-ni'ma. Naktafi bihadha. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.